Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, Ernest Cormier. Je crois que dans le contexte nord-américain, il était un avant-gardiste. Il a dit lui-même que ses plans pour l'Université de Montréal étaient 20 ans en avance. Et c'est pas loin d'être vrai. L'architecte Jean-Luc Poulain à l'émission Présent au moment de la mort d'Ernest Cormier en janvier 1980, architecte de l'Université de Montréal, architecte de la Cour suprême du Canada, architecte de la maison Cormier à Montréal. Cette maison cachettera l'ancien premier ministre Trudeau au début des années 80, l'un des plus beaux exemples d'architecture résidentielle art déco au pays. Ernest Cormier reste sans contredit l'un de nos plus grands architectes. Honorable Ernest Lapointe, salut maintenant. Sa Majesté la Reine, Sa Majesté le Roi. Il va faire les présentations. Seront présentés à leur Majesté les juges de la Cour suprême, les juges des Cours suprêmes des différentes provinces et leurs femmes, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre intérimaire de la Justice et l'architecte du futur édifice de la Cour suprême, Monsieur Ernest Cormier. On dit que l'édifice sera terminé d'ici un an. Sera de style Renaissance et fera pendant aux édifices de la Chambre des communes. C'est le 20 mai 1939 et en présence du roi George VI que se déroule la cérémonie de la pose de la pierre angulaire de l'édifice de la Cour suprême du Canada à Ottawa. La Cour suprême qui deviendra l'un des édifices emblématiques du travail d'Ernest Cormier. Je peux vous dire tout de suite que mon invité pour nous parler d'Ernest Cormier aujourd'hui, l'historien d'architecture François Rémiard, souriait en entendant cet extrait. François Rémiard, bonjour. Bonjour. Je signale quand même parce que vous venez de faire paraître un magnifique livre en collaboration avec le photographe Brian Merritt. Donc vous êtes co-auteur de ce livre, Belles demeures historiques de l'île de Montréal. Avant de parler d'Ernest Cormier, je ne peux pas m'empêcher de réagir à ce sourire. Vous savez très bien, on sait, vous et moi, que quand on dit l'édifice sera terminé dans un an ou deux, ce ne sera pas ça, l'histoire de la Cour suprême. Ce ne sera pas ça du tout, parce que, mais comme c'est arrivé souvent dans la carrière de Cormier, il y a eu des événements qui ont empêché que ce soit réalisé dans les temps. La Cour suprême a été entreprise en 38, 39. Enfin, le chantier était déjà en cours quand il y a eu la cérémonie de la pose de la première pierre. Mais ça va n'être achevé qu'en 1950. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Ce qui vous a fait sourire aussi, c'est le style. On parle de style Renaissance. Ça, vous avez presque éclaté de rire. Oui, parce que, bon, c'est la méconnaissance des Canadiens en général, et des Québécois en particulier, pour identifier les styles. On voit ça souvent. Même quelqu'un qui regarde des annonces de mobilier sur Kijiji, c'est identifié comme un truc Louis XV, ouais, alors que c'est pas du tout ça. Alors là, c'est un bâtiment essentiellement art déco, ouais, que la Cour suprême, ça n'a rien à voir avec la Renaissance. Bon, on y reviendra de toute façon à cet édifice, à ce bâtiment qui est vraiment l'une des grandes réalisations d'Ernest Cormier. Un mot d'abord quand même pour le situer. De quelle manière et pourquoi il est si important dans l'histoire de notre architecture? Ernest Cormier est à la fois un architecte et un ingénieur. Alors ça, c'est assez rare. Ou bien, ce sont des architectes artistes qui savent bien dessiner, imaginer des choses, mais doivent se référer à un cabinet d'ingénieurs pour les calculs, le poids, la pression, les matériaux à l'intérieur et tout. Alors lui, il peut faire ça tout seul. Mm-hmm. Ça, c'est déjà exceptionnel. Et ensuite, c'est l'homme complet. C'est l'homme complet d'abord pour ces raisons-là, mais aussi, non seulement il va construire des hangars pour avions militaires pendant la Première Guerre mondiale, mais il va aussi dessiner des meubles, des tentures, faire de la reliure, et même ça donner au batik. Ça, c'est assez particulier. Donc vraiment l'artiste et en même temps le scientifique, mais qui exploite son talent déjà. C'est très moderne de dire ça maintenant, mais multiplateforme. Ernest Cormier était donc multidisciplinaire. Parlons du jeune Cormier parce que ça vaut le détour. c'est quelqu'un qui vient d'un milieu aisé, mais qui a vraiment un parcours intéressant, qui va fréquenter ici, comme en Europe, les grandes écoles. Oui, il fréquente les grandes écoles. Et c'est aussi une personnalité spéciale. Il va s'attirer, enfin, il va attirer des gens, des compatriotes autour de lui. Il va plus tard tenir salon. Alors, il naît à Montréal d'un père médecin qui aurait toujours voulu être ingénieur. Ah bon? Et j'imagine que la famille de son père l'a poussé vers la médecine parce que c'est un métier, une profession libérale, plus traditionnelle. Mais il va encourager son fils, Ernest Cormier, à poursuivre des études en ingénierie. Alors, il va fréquenter l'école polytechnique. Il va commencer à faire des dessins d'ingénieur dès l'âge de 12 ans. Hein. Et en 1906, alors qu'il n'est pas si âgé que ça, il y a 21 ans, il va être diplômé de l'école polytechnique de Montréal. Mais ça n'assouvit pas entièrement ses désirs de création. Alors, c'est bien beau être ingénieur, mais il a aussi un tempérament d'artiste. Mm-hmm. Alors là, dès 1907, il va s'inscrire au concours pour devenir élève à l'École des beaux-arts de Paris. Et ça, c'est pas n'importe qui peut y arriver, parce que pour obtenir le diplôme en fin de parcours, ça prend à peu près une dizaine d'années. Il y a des Montréalais, des architectes anglophones comme William Sutherland Maxwell qui vont aller étudier à l'École des beaux-arts de Paris pendant 2-3 ans, vont fréquenter les ateliers, tout ça, mais ils reviennent pas avec le diplôme de l'École des beaux-arts de Paris. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Cormier aura ce diplôme français, il aurait pu pratiquer, faire sa carrière en France. Oui, il aurait pu, il a même le DPLG, le diplômé par le gouvernement, qui lui permet d'ouvrir un cabinet d'architecture à Paris ou n'importe où. Ouais. Qu'est-ce qu'il fera d'ailleurs? Parce qu'il va travailler quelques années en France, François Rémillard. Qu'est-ce qu'il y fera, Cormier? Oui, bon, c'est que il étudie à l'École des beaux-arts et puis ensuite il fréquente aussi la British School de Rome où là il va se familiariser avec l'Antiquité romaine, la Renaissance. On voit que c'est pas un homme unidimensionnel, c'est vraiment, il ratisse large. Mmh. Et au déclenchement, il passe 2 ans à Rome. Et là, au déclenchement de la Première Guerre mondiale, ce sont ses talents d'ingénieur qui sont sollicités. Parce que là, on n'a pas le temps de construire des palais ou des musées, mais plutôt des infrastructures militaires. Et il va, comme il connaît déjà, de par sa fréquentation de l'École polytechnique et de certains spécialistes du béton armé notamment, il va être engagé chez Considère, Pelnard et Caco, qui est peut-être le plus grand bureau en France pour la construction d'équipements en béton. Il va construire des hangars pour avions militaires, des bâtiments industriels à Marseille sur les chantiers navals. Il est partout et ce sont ses premières œuvres. Donc on parle de 1916, 1917 déjà. Et il construit. Ouais. Il va, pendant ses études à Paris, rencontrer Pierre Patou. Pierre Patou, c'est l'un des créateurs de ce style, le style Art déco. Parlez-nous d'abord un peu de Patou, quelle est son importance, puis des circonstances dans lesquelles Cormier va le rencontrer. C'est ça. Alors là, c'est le volet plus artistique qui se développe. C'est pour ça il y a ce volet très technique de béton, et puis il y a tout à coup le volet plus ludique avec Pierre Patou, où il va passer un été. Entre les cours, dans son atelier, Pierre Patou qui conçoit l'art déco avant même la Première Guerre mondiale. Alors, c'est vraiment un des précurseurs. C'est que, bon, à la fin du 19e siècle, les architectes en ont ras-le-bol de répéter les formes traditionnelles, les colonnes, les portiques, les arcs en ogive gothique et tout ça. Ils cherchent de nouvelles voies. Ouais. D'abord, ils vont se tourner vers l'art nouveau. Ce sont des formes plutôt molles, plutôt ondulantes. Et déjà, après 1910... Mais c'est floral, ouais, animalier... C'est ça. Et puis, après 1910, on commence à se lasser de ça. Ça n'a jamais pris dans la population. Il y a quelques excentriques qui se font construire des bâtiments art nouveau, là, mais il n'y a pas vraiment d'engouement généralisé. On trouve ça un peu étrange, un peu bizarre. Mmh. Alors là, on décide de rigidifier, je ne sais même pas si c'est un mot qui existe vraiment, mais de rendre plus rigides les formes, plus verticales, plus anguleuses. Et là, c'est là que naît l'art déco. Et Pierre Patou est donc l'un des précurseurs de ça. Là, évidemment, il y a l'intervalle de la Première Guerre mondiale, bon, qui permet pas à cet art de s'épanouir. Et là, l'art déco, c'est au début des années 20, en Europe, que ça connaît vraiment sa plus grande période de popularité. Et le summum, l'apothéose, c'est l'exposition des arts décoratifs et industriels de Paris de 1925. Oui. Et qui va donner son nom au style, hein, parce que les Américains, les Britanniques sont incapables de prononcer ça tout au long, alors ils vont dire Art Deco. Donc, il est, Ernest Cormier, en contact direct avec cet art qui est en train de naître et de se déployer, au contact de Pierre Patou. Quelle influence ça va avoir sur son propre travail? Comment le situer lui-même, Cormier, par rapport à l'art déco? Est-il un architecte art déco ou pas? Il est un des précurseurs de l'art déco au Canada, je dirais même le précurseur de l'art déco au Canada. Il va se familiariser, il va déjà connaître un peu les principes, ne va pas les utiliser tout de suite lorsqu'il revient à Montréal en 1918. C'est après sa visite à l'exposition des arts décoratifs en 1925, que là, il va véritablement embarquer dans l'art déco. Mais comme la carrière d'Ernest Cormier s'étire sur plus de 60 ans, on ne peut pas dire qu'il n'ait fait que de l'art déco pendant sa carrière. Ça va être une inspiration, mais ce sera... Il fait aussi ses racines aux beaux-arts. Son classicisme le suit, le modernisme qui viendra plus tard. On pense à ses architectes, Mies van der Rohe. Le classicisme va aussi un peu l'influencer. C'est plus large, en fait. Sa palette est plus large que sa le simple art déco. Sa palette est plus large. Je dirais qu'une constante serait la symétrie. Ouais. C'est un architecte qui adore la symétrie, la monumentalité. Ouais. Dans toutes ses œuvres, même jusqu'à la fin, ce sont des œuvres monumentales, avec de la symétrie. Mais il a aussi fait des œuvres d'ingénieur. Il y avait un superbe hangar pour hydravions à Pointe-aux-Trembles qu'il a conçu en 1928 en béton armé, qui était la première structure du genre en Amérique du Nord et qui a malheureusement été détruite en 1987. Alors, venons-en à quelques exemples importants de son travail. Puisqu'on parlait à l'instant de l'art déco, parlons de ce qui est probablement l'une des plus belles réalisations en architecture résidentielle de style art déco au Canada, cette fameuse maison Cormier. Ce sera sa maison. Il l'a fait construire Avenue des Pins à Montréal au début des années 30. La maison qu'achètera Pierre Trudeau au début des années 80, en 1980, en fait. Parlez-nous de cette maison-là, de quelle manière elle est importante? Elle est importante pour l'architecture canadienne, d'abord parce qu'elle est une sorte d'exercice ou de portfolio pour Cormier. Alors, il y a trois façades, parce que la maison est accolée à une maison voisine, donc il n'y a pas quatre côtés, mais il y a trois côtés libres, on peut dire, et qui sont traités tous les trois très différemment. La façade principale est de l'art déco traditionnel français, avec ses lignes verticales et tout, et la face sur le côté, la façade latérale, elle est traitée à la manière un peu d'Albert Speer dans les pays fascistes, une espèce de néoclassicisme épuré, et l'arrière est traité de la manière des architectes de l'art international, de l'architecture internationale, comme Adolphe Loos ou Le Corbusier, avec simplement du béton recouvert de crépi blanc, avec aucune ornementation. Alors, c'est comme un exercice pour lui et pour montrer ses compétences. Parce que, passez-moi l'expression, un démo, en quelque sorte. C'est ça, ouais. L'Université de Montréal, évidemment, on en a un petit peu parlé. Ce sera d'abord un chantier très, très, très gros, très important. Qu'est-ce que ça représente dans l'œuvre de Cormier, ce pavillon central, ce campus de l'Université de Montréal? Bon, c'est à la fois, je pense, la commande la plus importante qu'il ait jamais reçue dans sa vie. Il va être nommé, d'ailleurs, architecte en chef de l'Université de Montréal en 1924. Et il va quitter ses fonctions d'architecte en chef en 1962. Alors, c'est une bonne partie de sa carrière qu'il consacre à l'Université de Montréal. C'est à la fois un rêve et un cauchemar. Il entreprend les premiers dessins en 1924 dans quelque chose d'un peu classique. Et après sa visite à l'exposition des arts décoratifs, change pour l'art déco. Mm-hmm. La construction commence en 1928, mais est interrompue en 1931 par la crise économique. Et il faut dire que l'élection du gouvernement de Maurice Duplessis n'aidera pas non plus à la reprise des travaux. Ouais. Il faut attendre l'arrivée de Adélard Godbout et 1940-41 pour la reprise des travaux. Et le bâtiment est inauguré en 1943. Ouais. On va y revenir à ce délai parce que c'est important. Ben, on peut tout de suite dire qu'au moment où il dessine les plans, il est plutôt dans l'avant-garde. L'avant-garde dont parlait d'ailleurs Jean-Luc Poulain au début de l'émission. Mais à cause de ce délai interminable, cette crise, l'arrêt du chantier pendant plus de 10 ans, quand le bâtiment est finalement réalisé, on le voit un peu comme dépassé, Cormier. C'est son drame, ça. C'est son drame, oui. Puis ça va être le drame de la Cour suprême aussi. Donc, ça prend tellement de temps avant d'arriver au résultat final qu'on est passé à autre chose dans le reste de la société. Un extrait qui nous parle justement de l'influence qu'a eue cette crise économique, la crise économique des années 30, qui retarde la réalisation de l'Université de Montréal et qui aura un impact, nous dit la professeure d'architecture Isabelle Gournay à l'émission Radar en 1990, sur l'influence, sur le rayonnement qu'aura ou que n'aura pas Ernest Cormier. L'influence d'Ernest Cormier est malheureusement assez restreinte en dehors de Montréal, où je pense qu'il a beaucoup marqué les esprits. Car à cause de la crise économique, son activité a été assez restreinte dans les années 30, qui étaient ces grandes années de création, si vous voulez. Et après, il a bien entendu construit l'imprimerie nationale à Hull, la Cour suprême à Ottawa, mais je ne crois pas qu'Ernest Cormier ait obtenu autant de commandes qu'il l'aurait mérité. Alors, François Rémillard, est-ce que Ernest Cormier aura eu la carrière qu'il aurait méritée? Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Au total, il y a 28 bâtiments qu'il a créés au cours de sa carrière, longue de plus de 65 ans. Il y a des architectes qui sont beaucoup plus prolifiques que ça. Oui. Donc, ça a joué, ça, ce ralentissement économique. Les deux grandes guerres, la crise et tout et tout. Mais dans le cas de l'Université de Montréal, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est pas nécessairement ni le plan, ni le style Art déco, c'est le fait qu'on n'ait pas de chapelle au centre. Ah bon? C'est une université catholique, au départ, l'Université de Montréal. Et la chapelle est reléguée dans les hauteurs, à l'arrière du bâtiment. Il ne sera jamais complété véritablement, c'est la salle des promotions qui occupe la place de la chapelle et ce qui devait être le clocher et devient la tour de la bibliothèque. On devait aménager la bibliothèque dans cette tour. Il devait même y avoir un hôpital universitaire à l'intérieur du pavillon principal. Alors donc, c'est plutôt révolutionnaire dans le contexte canadien-français. Ouais. On parlait tout à l'heure d'entrée de jeu, en fait, quand je vous ai demandé de me parler de l'importance d'Ernest Cormier. Vous avez dit il est à la fois ingénieur, diplômé de Polytechnique à Montréal et architecte diplômé de l'École des Beaux-Arts à Paris. Sur cette double formation, sur l'influence que ça aura sur son style, on écoute Pierre Lapalme à l'émission Les Belles Heures, en 1990. Il s'est beaucoup intéressé à l'aspect structurel des édifices. Il s'est beaucoup intéressé au problème des matériaux en particulier. Il a vu, c'est-à-dire au fond, l'ingénieur est celui qui va concevoir l'architecture d'une façon abstraite, comme étant des poussées, comme étant des calculs, comme étant des poids, toutes sortes de résistances de matériaux. Ensuite, l'architecte formé à l'École des Beaux-Arts, c'est celui qui s'initie au style, c'est-à-dire à ce qui serait pour nous la dimension esthétique de la chose. Mais s'il avait été simplement architecte, s'il n'avait pas été ingénieur, il est possible que le carcan académique de l'École des Beaux-Arts l'aurait enfermé dans un style. Tandis que, étant un ingénieur, il va s'intéresser aux nouveaux matériaux, et en particulier au béton armé. Ce qui ne s'enseignait pas. L'architecture officielle en France, au début du siècle, au moment où il s'en va, c'est en 1914 qu'il fait ses études à Paris, l'architecture officielle a le plus total mépris pour le béton armé. Il connaît, il sait à peu près tout ce qui se fait. Il est au courant de tout. Il n'est pas enfermé, il n'a jamais voulu. D'ailleurs, au fond, il disait à un moment donné que ce qu'il recherchait, c'était de ne pas avoir de style. Mm-hmm. C'est-à-dire le refus de s'enfermer à l'intérieur d'une ornière d'un style particulier. Alors, Ernest Cormier aura-t-il un style particulier, François Rémillard? Puis de quelle manière, au fond, cette double formation d'architecte et d'ingénieur vont influencer son style, sa manière de travailler? Oui, tout ce qu'il fait est très solide, premièrement. Ce ne sont pas des choses fragiles. Toujours une l'aspect armature, soit en acier, en béton armé, l'aspect monumental, la symétrie. Même dans l'imprimerie nationale créée à Gatineau pour le gouvernement canadien, et là on est dans les années 50, l'art déco n'est plus au menu, mais il y a cet aspect symétrique qui reste encore en place. Ouais. Et cette double formation, donc, quand Pierre Lapalme dit il a une ouverture sur les nouveaux matériaux, par exemple, qu'il n'aurait pas eu autrement, ça se sent, ça? Oui, ça se sent. Sa curiosité. Ah ben oui, écoutez, tous les ouvrages qu'il a fait d'abord en France, puis ensuite ici, il n'y avait pas grand monde qui était capable de faire aussi bien que lui. Il y a même des projets de pont Il a travaillé pour la Dominion Bridge aussi pendant qu'il était ici. Ouais. Une entreprise d'ingénierie très, très importante. À l'échelle internationale, c'est, moi, je ne le savais pas, Ernest Cormier va participer à la conception du siège des Nations Unies à New York. Comment il se retrouve dans cette équipe et quelle va être sa contribution, François Rémillard? Ben, il est nommé dans ce prestigieux comité en 1946. Déjà, c'est pas rien. C'est pas rien. Et déjà, il est considéré comme une vedette de l'architecture et de l'ingénierie au Canada. Il est connu dans le Canada anglais également. Alors, on le nomme sur ce comité prestigieux qui regroupe un représentant par membre, surtout des pays occidentaux. Évidemment, c'est pas tous les pays qui peuvent fournir un architecte d'un aussi grand talent. Et on va lui confier la réalisation des portes d'entrée. Bon, ça peut sembler un peu insignifiant à qui ne connaît pas ça, là, les portes d'entrée, d'accord. Mais ce sont les portes par lesquelles entraient autrefois les dignitaires, les présidents, les rois. Oui. Et il y en a 7 de ces portes. Elles sont en nickel et chacune a 4 bas-reliefs qui représentent la vérité, la justice, la fraternité et la paix, c'est ça. Et ces bas-reliefs sont réalisés de manière très néoclassique. Ouais. Ils n'ont rien à voir avec l'art déco. On voit, là, sa palette est assez large. Et son côté multidisciplinaire dont on parlait plus tôt, on le voit bien aussi, là, c'est des portes qui réalisent, en fait. Oui, il y a un élément architectural, mais on est aussi dans la décoration. Ben voilà, un peu, dans l'art décoratif. Ouais. On arrive à son héritage parce que ça va très, très vite, cette émission. Il y a un exemple récent qui a ramené le travail de Cormier dans l'actualité. C'est cette vente du studio Cormier, rue Saint-Urbain à Montréal. En quoi ce lieu, le studio Cormier, François Rémillard, était important qu'il fallait le protéger? Pourquoi? Bon, d'abord, c'est l'une des premières œuvres de Cormier à son retour d'Europe. Ça va être érigé en 1921. Ça va être son lieu de résidence avant qu'il n'érige la maison de l'avenue des Pins en 1930. Donc, de 1921 à 30, il habite là. C'est un studio, en fait, un studio d'artistes comme on en conçoit en Europe à l'époque. On en voit à Paris avec ces grandes baies vitrées qui font 2 ou 3 étages de haut, ouais, et orientées vers le nord, plutôt le nord, le nord-est, pour éviter d'avoir un ensoleillement trop direct. On a la lumière naturelle, mais pas trop de soleil. Et il va commencer à tenir salon dans ce lieu avant de le transposer sur l'avenue des Pins. Alors, c'est un lieu magique. Et en même temps, c'est devenu, dans les années 1980-90, un endroit que le gouvernement du Québec réservait aux artistes pour, oui, des séjours. Ils étaient en résidence pendant une certaine période pour créer une œuvre précise. Alors, c'était un lieu important. Autrement, qu'est-ce qui reste de lui? Quel héritage il nous laisse? Je pense que la plupart des œuvres sont encore là. Le Collège Saint-Michael à Toronto, le Saint-Basil Seminary aussi à Toronto. Il reste une de ces 2 églises qu'il a érigées aux États-Unis. Il reste l'église Saint-Ambroise à Montréal. Des écoles, oui, l'école Sainte-Julienne Falconerie. Oui, je dirais que la majeure partie de son œuvre est encore là. François Rémillard, historien en architecture, auteur en collaboration avec le photographe Brian Merritt du très beau livre « Belle demeure historique de l'île de Montréal ». Merci beaucoup de votre participation. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.